aux conditions d'un reflet, tressaillit, comme retour appuyé inquiet de l'arête sur le feutre là. Une couleur sans nécessité lourde. L'iris érodé. Frange après l'autre, dans le cercle cotonneux des bruits, éclat, aboyé, puis rien. Et les gouttes sèchent devant cela, repérées longuement. Un entêtement. Temps séparé, indécision des pierres, le retranchement de la table pour corriger quelle brume. Racle, mais si subtilement battre l'air d'une trille, terre, ou crisser d'une étoffe, clignement, puis rien, humecté du corps à cette place. D'élite sûre, d'hélène. Toute piste renversée, comme la symétrie timide de trouée. Le fruit serré entre pouce et index. Pont. Parcourir. Geler des mouvements et retenus, cassant. Revoir l'horizon du champ derrière. Lignes muettes d'épines et fibres, où te retrouver. Le tremble. L'oblique redessiné. Jeter des lettres sans fondement. Tête bêche. La fosse. Un acquis silencieux qui battrait le cœur. Halte terrifiée des veines, obscurité native enfin survécue.